Ok, donne son en mode hardcore. Couche les gosses, appelle tes potes. Que le son fasse sauter les portes. Que l'état lâche les bords. Sous les ponts qu'on trouve des mecs street. Putain, mélodie m'excite. Les mecs, si tu fais le con, oublie pas la dessine pour le Mexit. Exit, toutes les questions métaphysiques. Mental MC, ça va fuser, ce son faut que je fusille. L'animal, complexe comme une relation perfide. Dans ce monde, voilà, j'ai une perfide. Démasquer les perfides, c'est simple et limpide. Tracasse ce son et basta. Viens de la ville, ou même les grands-mères qui flaquent la taille. Vont pas les reins de leur protocole. Et vite proc et protocole. Pour que chaque son abandonne plus, ajoute une autre corps. À mon arc, ouais, je nargue, coupe les têtes des monarques. Là, c'est Farwell, plein d'Ascar, on s'embarque. Départ comme ça, je pose mon couplet, ça sonne pas pareil. L'animal est là, ça, ils étaient pas préparés. Entre sérénade et grognement, l'animal manie le mic loin des blabla des minables. Mais là en sourdine, l'animal il sait pas de raisonner. Reste pas tout un bassordi, c'est la seule d'Amazonie. Entre sérénade et grognement, l'animal. Laisse-moi tousser tout seul, tout sous. Vieux lion à tout souffle, tout part en vol au tout m'soul. Rappeur hirsute qui crache dans leur soupe. Et si je peux pas taper dans leur soupe, je squatterai dans leur soupe. Rappeur il est poli, reste poli, mais c'est fou le rap Rambo. J'ai toujours l'instinct de survie comme cet enfant à être en bourre. En 12 sur 11, le premier coup de ce monstre. Lourd combat, combat, tu montes, on y donne, on retient ce nom. Coup de boule sonore dans le bif, si tu es jock. Tu kiffes pas, tant pis, faut que ça fasse boum, tchac tchac tchac. Considère ce morceau comme un avertissement. Fais pas ta carré dans tes émissions de divertissement. Sur les sentiers d'un gros son, d'une instru à engrosser. En gros c'est l'arroseur arrosé qui va se faire roser. Coup de crosse dans le RAP, microcosme. Donny Don's animal, ton petit coq en cause. Entre sérénade et grognement, l'animal manie le mic loin des blabla des minables. Mais là en sourdine, l'animal il sait pas de raisonner. Reste pas tout un bassordi, c'est la seule d'Amazonie. Entre sérénade et grognement, l'animal. J'ai pas besoin d'être en équipe, j'arrive ici dans Joe c'est qui. Spécialité, débarquer tranquille comme un pit dans un jeu de qui. Allez c'est deux pour le prix d'un, dites J.O.K.E. Non ni Danzo sur le mic, c'est tout net et KO. Revoir la liste de Krao, quelques instrus vont cramer. Mal de crâne, assuré pour tous ceux qu'on trop crâne. Moi j'ai les calmes, maintiens le cap jusqu'au cap de fin. Cac une ou deux fins, t'envoies du frais pour tous les morts de faim. Ils veulent du rap dans un random, si tu kiffes pas endors-toi. Le rap qu'on internera, se fout la merde dans les dortoirs. Voilà que les surveillants m'ont repéré. Trop d'MC d'opérette, dans l'ange continue à opérer. Les profs dans le rap, ils m'ont saoulé pire qu'à l'école. Je leur fais un gros ego trip et un gros doigt pour l'anecdote. Ça c'est fait, si ça suffit pas, je passe à la fessée. Les ponts levis vont s'abaisser, les grandes bouches vont s'affaisser. Entre sérénade et grognement.